maintenant qu'il s'en souvient. Quelquefois, de mes 10 premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée, plus rien qu'un petit refrain. D'autres fois, j'entends mon père chanter ce refrain.